Je n'ai pas de cœur, je n'ai pas de peine, je suis comme un mec, et les mecs, je les gère.